Bonsoir, bienvenue à Amandla. Alors ce soir, nous revenons sur le jugement rendu le 21 mars dernier par la Chambre de première instance 3 de la Cour pénale internationale dans l'affaire Bemba. Exactement, Mélanie. Dans un verdict unanime, la Chambre a déclaré M. Bemba coupable en tant que personne faisant effectivement fonction de chef militaire de deux chefs d'accusation de crimes contre l'humanité, meurtre et viol, et de trois chefs d'accusation de crimes de guerre, meurtre, viol et pillage, actes perpétrés en Centrafrique par les forces MLC entre le 26 octobre 2002 et le 15 mars 2003. La peine de M. Bemba n'a pas encore été prononcée à ce jour. Dans son allocution à la presse le 21 mars dernier, Mme le procureur de la CPI, Fatou Bensouda, déclarait ceci. M. Bemba ne s'est pas seulement contenté d'envoyer ses soldats pour fournir un appui militaire au président centrafricain de l'époque, ni de mener une campagne militaire contre d'autres forces militaires. En réalité, il a lâché ses hommes armés au milieu de la population civile centrafricaine et ceux-ci se sont livrés à une campagne atroce de pillage, de viol et de meurtre. Cette affaire est d'autant plus intéressante, déclarait-elle, qu'elle souligne la nécessité absolue de mettre un terme aux crimes sexuels et à caractère sexiste utilisés comme armes de guerre en exigeant que les personnes qui n'ont ni accompli leurs devoirs ni assumé les responsabilités qui leur incombaient en tant que commandant et supérieur hiérarchique rendent des comptes à la justice. Et si le procureur insiste tant sur les crimes à caractère sexuel, c'est que le nombre de viols rapportés dans cette affaire a dépassé celui des meurtres. Pour rappel, c'est la République centrafricaine, État parti au statut de Rome depuis octobre 2001, qui a saisi la CPI de cette affaire en décembre 2004. En avril 2006, la Cour suprême de la RCA jugeait que le système judiciaire national n'était pas en mesure d'engager des poursuites pour des crimes prévus par le statut de Rome. Et c'est sur la base de cette décision que le bureau du procureur de la CPI a ouvert une enquête en mai 2007. M. Bemba est arrêté en Belgique en 2008. Il était au moment de son arrestation membre du Sénat en RDC. Son procès a débuté en novembre 2010 et s'est conclu en 2014. Alors, le jugement rendu par la CPI envoisine les 400 pages. Ce que nous vous présentons ce soir n'est qu'un succinct survol des enjeux de cette affaire. Pour se saisir pleinement du contexte factuel, de la gravité des actes commis, des obligations juridiques des acteurs impliqués dans ce conflit, de la preuve soumise, dont les témoignages entendus et la façon dont les juges ont accordé de la crédibilité à ces témoignages, des objections et arguments soulevés par les parties, et pour vous faire votre propre idée du jugement, il faudrait se plonger dans sa lecture ou encore visionner le déroulement du procès. Il est également disponible sur le site de la CPI un résumé officiel en français du jugement. Alors, avant d'aborder le contenu du jugement, nous revenons brièvement sur la Centrafrique et le contexte entourant le conflit interne dans lequel le MLC avait pris part avec Mélanie. Oui, bonsoir. Donc, pour faire un lien avec le contexte politique du conflit en République centrafricaine, on peut considérer que la violence en Centrafrique prend racine dans les luttes de pouvoir d'État qui perdurent depuis l'indépendance du pays en 1960. De l'indépendance jusqu'à ses premières élections démocratiques en 1993, la Centrafrique a connu trois chefs d'État, dont Bokassa, autoproclamé empereur, et trois coups d'État en 1966, en 1979 et en 1981. Dès le début, les dirigeants du pays ont compté sur le soutien de la France, ancienne puissance coloniale, et la Libye voisine. Ange Félix Patassé a remporté les élections de 1993. Il a lui aussi compté sur l'assistance militaire française pour écraser trois mutineries de l'armée en 1996, dis-je, et 1997. Les mutineries ont pris fin en 1997 avec les accords de Bangui qui ont appelé au désarmement des rebelles, milices et autres groupes armés. Une mission d'observation interafricaine, la MISAB, a été suivie par une mission des Nations Unies, la MINURCA, pour veiller au respect des accords. En 1999, Patassé a été réélu, mais en mai 2001, l'ancien président André Kolingba, au pouvoir de 1981 à 1993, a tenté de le renverser par un autre coup d'État. Donc, Patassé avait lui-même échoué dans sa propre tentative de putsch contre le même Kolingba en 1982. Pour s'opposer à ce coup d'État, Patassé a fait appel à la Libye. Il s'est aussi adressé à Jean-Pierre Bemba et à sa milice du Mouvement de libération du Congo, le MLC, qui a été créé en 1998 pour tenter de renverser le gouvernement à Kinshasa. Kolingba s'est alors enfui avec des centaines de soldats de l'armée nationale. Patassé a renvoyé son chef d'état-major, François Bozizé, qui fut par ailleurs général de brigade sous le régime de Bokassa. En octobre 2001, après l'avoir accusé de la complicité dans la tentative de coup d'État de Kolingba. Lorsque Patassé a ordonné l'arrestation de Bozizé le mois suivant, la violence a éclaté à Bangui. Bozizé s'est enfui au Tchad avec quelques centaines de soldats de l'armée. Le Tchad a refusé de l'extrader et les tensions entre la Centrafrique et le Tchad se sont aggravées. En août 2002, les troupes de la garde présidentielle centrafricaine et une milice dirigée par le colonel Abdoulaye Miskine, un Tchadien soutenu par la Libye, ont traversé la frontière sud du Tchad et attaqué Bozizé et ses partisans. Les forces tchadiennes ont riposté, ont réussi à repousser cette attaque et sont entrées dans le nord du pays où Bozizé a ainsi pu établir une base. Au cours de cette période qui a suivi la tentative de coup d'État de Kolingba, Patassé a eu du mal à payer les membres des forces armées nationales qui lui étaient restés loyaux. Donc, le mécontentement s'exprimait dans les rangs de l'armée en déliquescence et Patassé comptait de plus en plus sur des gardes du corps libyens pour sa protection. Lorsque Bozizé est passé à l'attaque en octobre 2002, Patassé a immédiatement demandé l'aide de trois sources, une milice qu'il a créée en dehors de l'armée et qui était commandée par le colonel Miskine, la Libye et le MLC de Jean-Pierre Bemba. Les forces du MLC, le Mouvement de libération du Congo, notamment soutenues par l'Ouganda et aussi actives dans la guerre civile en République démocratique du Congo, ont immédiatement traversé la frontière de la République démocratique du Congo aux alentours du 26 octobre 2002 et le MLC restera jusqu'en mars 2003. C'est ce qui s'est passé pendant cette période précise qui est au centre du procès de Jean-Pierre Bemba. Les combattants de Bozizé ont rapidement atteint Bangui où il y a eu de violents combats, mais les groupes pro-Patassé ont ensuite réussi à repousser les forces de Bozizé vers le nord de la capitale. Pour la Chambre de première instance, le conflit est demeuré confiné au territoire de la Centrafrique et les ressortissants étrangers qui ont pris part aux opérations n'agissaient, j'ouvre les guillemets, sous le contrôle global d'aucun gouvernement étranger. Les juges ont estimé que la preuve n'avait pas démontré la participation d'autres États au conflit, qui n'aura opposé que les forces du gouvernement, soutenues par le MLC, aux rebelles du général Bozizé. Le 15 mars 2003, Bozizé et ses partisans ont pris le contrôle de Bangui alors que Patassé était hors du pays. Incapable de revenir, il s'est alors exilé au Togo et n'est pas autorisé à se présenter aux élections de 2005, à la faveur desquelles Bozizé devient président de la Centrafrique. Les efforts incessants de recherche de la paix en République centrafricaine se sont heurtés à beaucoup de difficultés. Un dialogue national tenu en septembre et en octobre 2003 a tenté de combler le fossé entre les différentes factions de la Centrafrique et les électeurs ont approuvé une nouvelle constitution en 2004. Cependant, au nord de la Centrafrique, le conflit a continué sous forme de diverses rébellions alimentées par des tensions et rivalités sociopolitiques profondes. Les groupes rebelles au Tchad et du Darfour ont opéré à partir du nord de la Centrafrique. On rapporte aussi que l'armée de résistance du Seigneur, dont les dirigeants sont recherchés par la CPI, la Cour pénale internationale, pour des faits liés au nord de l'Ouganda, a également lancé des attaques en République centrafricaine. Un accord de paix entre le gouvernement et le groupe rebelle centrafricain, l'Union des forces démocratiques, pour le rassemblement, a été signé en avril 2007 et en décembre 2008, le gouvernement, la plupart des principaux chefs des milices et des organisations de la société civile se sont réunis pour un dialogue politique inclusif qui a conduit à la formation d'un gouvernement multiparti. Malgré ces avancées, les combats se sont poursuivis au nord du pays et en mars 2013, Bozizé a été renversé par un coup d'État mené par une coalition de forces rebelles, la Séléka, en colère contre une violation alléguée d'un accord de cessez-le-feu. Les groupes de la Séléka auraient commis de graves crimes, notamment des meurtres, viols, des tortures et des pillages. Le Conseil de sécurité a publié une déclaration condamnant le coup d'État ainsi que la violence et les pillages qui ont suivi. Et le haut-commissaire des Nations unies aux droits de l'homme a annoncé une mission d'enquête pour identifier les violations en cours. Le 24 septembre 2014, le procureur de la CPI a annoncé qu'il ouvrait une nouvelle enquête en République centrafricaine par rapport aux crimes commis depuis août 2012. Jusqu'à présent, aucune arrestation n'a été réalisée dans le cadre de cette seconde enquête. Donc, nous allons revenir avec Faïza. Les crimes qui étaient sous enquête dans cette affaire, pour lesquels, comme pour tout autre crime, il incombe au procureur de présenter une preuve au-delà de tout doute raisonnable? Exactement, Mélanie. Les actes reprochés aux soldats MLC en Centrafrique, pour lesquels M. Bamba répond en sa qualité de personne faisant effectivement fonction de chef militaire, sont rattachés, nous le disions, à deux crimes pour lesquels la CPI a compétence, crimes contre l'humanité et crimes de guerre. Le statut de Rome entend par crimes contre l'humanité les actes qui y sont prévus lorsqu'ils sont commis dans le cadre d'une attaque généralisée ou systématique lancée contre toute population civile et en connaissance de cette attaque. Parmi ces actes se retrouvent le meurtre, le viol, l'esclavage sexuel, la prostitution forcée, la grossesse forcée, la stérilisation forcée ou toute autre forme de violence sexuelle de gravité comparable. Au chapitre des crimes de guerre, le statut vise des actes commis à l'encontre de personnes qui ne participent pas directement aux hostilités dans le contexte d'un conflit armé non international, comme c'est le cas dans cette affaire Bemba. Et en l'espèce, les actes retenus sont les suivants. Les atteintes à la vie et à l'intégrité corporelle, notamment le meurtre sous toutes ses formes, les mutilations, les traitements cruels et la torture, le pillage d'une ville ou d'une localité, même prise d'assaut, le viol, l'esclavage sexuel, la prostitution forcée, la grossesse forcée, la stérilisation forcée ou toute autre forme de violence sexuelle constituant une violation grave de l'article 3 commun aux quatre conventions de Genève. S'agissant de la population civile, les juges retiennent que celle-ci était dans la ligne de mire du mouvement de libération du Congo, le MLC. La Chambre conclut que les auteurs de ces crimes savaient qu'il s'agissait dans le cadre d'un conflit armé opposant Patassé à Bozizé et que leur comportement s'inscrivait dans le cadre d'une attaque généralisée contre la population civile. C'est cela, oui. Pour les juges, la preuve aura démontré que la cible première du MLC était la population civile et que l'attaque était dirigée contre elle. La Chambre conclut que les actes de viol et de meurtre commis par le MLC constituaient une ligne de conduite par opposition à des actes isolés ou fortuits. Au moment des faits sous enquête, les victimes n'étaient pas partie prenante aux hostilités. La Chambre juge même que le MLC a activement encouragé l'attaque contre des civils et considère que la preuve a démontré que les troupes du MLC ont commis des actes de pillage, de meurtre et de viol à l'encontre de civils, notamment à Bangui, Bozoum, Damara, Sibout, Dekoa, Bossambélé, Bossanga et Baoli. La preuve aura démontré que les soldats du MLC ont pris pour cible les civils et, je cite, « afin de se dédommager de l'insuffisance des soldes et rations qu'ils recevaient du MLC, fin de citation, pour déstabiliser, humilier et punir les personnes qu'ils soupçonnaient être des rebelles ou leurs sympathisants ou des personnes qui leur résistaient. » Le lien entre les soldats MLC et les auteurs des crimes commis a été notamment établi par la Chambre en se basant sur des critères d'identification tels que les vêtements portés par les auteurs, la langue qu'ils parlaient, la présence du MLC dans les lieux où les crimes eurent lieu et la façon dont les auteurs se sont présentés aux victimes, des soldats MLC. La Chambre arrive à la conclusion que les actes de meurtre, de viol et de pillage concordent avec les preuves d'un mode opératoire des soldats MLC au cours de l'opération 2002-2003 en Centrafrique. Ce mode opératoire se présentait comme suit. Lorsque les rebelles quittaient un lieu, les soldats MLC y procédaient à un ratissage à la recherche de rebelles et y commettaient viols, meurtres, et pillages à l'encontre de civils. Et comment la responsabilité pénale de M. Bemba a-t-elle été retenue? Eh bien, en vertu du statut de Rome, un chef militaire ou une personne faisant effectivement fonction de chef militaire est pénalement responsable des crimes relevant de la compétence de la Cour commis par des forces placées sous son commandement et son contrôle effectif ou sous son autorité et son contrôle effectif selon le cas, lorsque ce chef ou cette personne n'a pas exercé le contrôle qui convenait sur ses forces dans les cas où, d'une part, ce chef militaire ou cette personne savait ou en raison des circonstances aurait dû savoir que ses forces commettaient ou allaient commettre ces crimes et d'autre part, ce chef militaire ou cette personne n'a pas pris toutes les mesures nécessaires et raisonnables qui étaient en son pouvoir pour empêcher ou réprimer l'exécution ou pour en référer aux autorités compétentes aux fins d'enquête et de poursuite. C'est sur la preuve hors de tout doute raisonnable de ces éléments que les juges ont retenu la responsabilité pénale de M. Bemba pour les actes commis par les soldats du MLC en Centrafrique au courant de l'opération 2002-2003. Et le jugement mentionne que les éléments constitutifs d'une situation d'autorité et de contrôle effectif sont à analyser au cas par cas. A-t-on des exemples de ces éléments? Dans le jugement Bemba, la Chambre cite une liste non exhaustive de 10 facteurs susceptibles de démontrer l'existence d'un contrôle effectif. Alors, ces facteurs sont la position officielle du commandant au sein de la structure militaire et les tâches réelles qu'il y effectue, son pouvoir de donner des ordres, de se livrer à des hostilités, y compris sa capacité à commander les forces ou les unités sous son commandement, sa capacité à assurer le respect des ordres donnés, sa capacité à resubordonner des unités ou à apporter des modifications à la structure de commandement, son pouvoir de promouvoir, remplacer, démettre ou sanctionner tout membre des forces, d'ouvrir des enquêtes, son accès autonome ainsi que son contrôle sur les moyens de faire la guerre, par exemple équipement de communication et armes, le contrôle du financement, la capacité de représenter les forces dans le cadre de négociations ou d'interagir avec des organismes ou des personnes externes au nom du groupe, ou encore, autre facteur, si cette personne représente l'idéologie du mouvement auquel les subordonnés adhèrent et incarne un certain profil qui se manifeste par des apparitions et des déclarations publiques. La Chambre estime que la preuve a démontré que M. Bemba était l'autorité principale au sein du MLC, tant en matière politique que militaire, et qu'il lui revenait de prendre les décisions les plus importantes. M. Bemba disposait de larges pouvoirs officiels. Il lui revenait de prendre les décisions de dernier ressort, de nommer, promouvoir et démettre les membres du MLC et de l'ALC, son bras armé. Il détenait des pouvoirs disciplinaires sur les membres. Il contrôlait le financement du groupe et maintenait une communication directe avec les commandants sur le terrain, grâce à un système d'information bien établi, nous y reviendrons. M. Bemba a exercé un contrôle effectif sur les troupes MLC présentes en Centrafrique entre 2002 et 2003. C'est lui qui en a ordonné le déploiement initial, de même que le retrait en mars 2003, qui a maintenu un contact régulier et direct avec les commandants de haut rang présents sur le terrain relativement aux opérations. C'est M. Bamba qui recevait des rapports détaillés sur les opérations, de même que des rapports de renseignement. Il donnait directement des ordres opérationnels qui étaient retransmis puis exécutés par le colonel Mustapha, plus haut gradé, MLC en Centrafrique durant l'opération 2002-2003. Monsieur Bamba avait aussi bien l'autorité que le pouvoir requis pour ordonner des mouvements de troupes en Centrafrique. Il était en mesure de donner des ordres opérationnels et il le fit, a conclu la Chambre. Et bien que les soldats MLC aient communiqué et coopéré avec les autorités centrafricaines tout au long de l'opération 2002-2003, cela ne les a pas pour autant soustraits à l'autorité de M. Bamba pour les subordonner à la hiérarchie militaire centrafricaine. De l'avis de la Chambre, la preuve dans son ensemble dit la fonction de chef militaire de M. Bamba et montre que celui-ci exerçait une autorité et un contrôle effectif sur le contingent MLC opérant en Centrafrique. Et durant l'opération, oui, de 2002 et 2003, M. Bamba était essentiellement demeuré en République démocratique du Congo, basé à Gabdolit, également lieu du quartier général du MLC. Que savait-il ou devait-il savoir des crimes du MLC en Centrafrique? Eh bien, à la lumière de la preuve soumise, il semble que peu de choses auraient pu échapper à M. Bamba et des actes perpétrés par les forces du MLC durant l'opération 2002-2003, il avait bel et bien connaissance. Malgré qu'il ait été basé à Badolite, en RDC, nous le disions, une communication directe a été maintenue entre lui et les commandants MLC en Centrafrique, notamment par radio, par téléphone portable et satellite. Monsieur Bamba était informé des opérations sur le terrain par le colonel Mustapha et par le chef d'état-major. Il recevait les registres des messages transmis par les commandants MLC en Centrafrique. Par ailleurs, Monsieur Bamba recevait des services de renseignement civil et militaire, des informations quant au combat, aux positions des troupes, à la politique et aux allégations de crimes. Il est précisé, et je cite, il est précisé dans le jugement, n'est-ce pas, et je cite, « Dès les débuts de l'opération de 2002-2003, Jean-Pierre Bamba a suivi ce que rapportaient les médias internationaux et s'en est entretenu avec les hauts responsables du MLC. Souvent, les informations diffusées portaient aussi sur ses réactions personnelles aux allégations de crimes portées contre les soldats du MLC. » Fin de citation. La Chambre rappelle que tout au long de cette opération, les allégations de crimes étaient rapportées tant par les médias internationaux, francophones et anglophones, que par les médias centrafricains. M. Bamba s'était même rendu en Centrafrique durant l'opération 2002-2003 et s'était entre autres adressé aux soldats MLC et à la population civile suite aux allégations de crimes au PK-12. Il a également échangé avec le représentant de l'ONU, le général Cissé, à ce sujet, de même qu'avec le président Patassé et la FIDH. Pour la Chambre, la preuve qui lui a été soumise a su démontrer que M. Bamba savait que les forces MLC placées sous son autorité et contrôle effectif commettaient ou allaient commettre les crimes qui leur sont reprochés. Quelle a été sa réaction face aux allégations de crimes portées à sa connaissance? Malgré les renseignements portés à sa connaissance, M. Bamba s'est limité à prendre les mesures suivantes, rapporte le jugement. Des avertissements généraux et publics à ses troupes afin qu'elles ne maltraitent pas les populations civiles. La création de deux commissions d'enquête, Mundonga et Zongo, en lien avec des allégations de pillage. La comparution en cour martiale de 7 soldats subalternes accusé de pillage, procès public est retransmis à la radio, l'envoi d'une mission à Sibut en réponse à des allégations de crimes perpétrés par des soldats MLC rapportés dans les médias. La Chambre a considéré que ces mesures n'avaient pas été convenablement mises en œuvre, pas plus qu'elles ne l'avaient été de bonne foi. Elle les a considérées insuffisantes eu égard aux informations récurrentes quant aux allégations de crimes attribuées au MLC en Centrafrique. Et vu les pouvoirs et l'autorité dont M. Bemba disposait, la Chambre a conclu qu'il aurait pu, entre autres actions, veiller à ce que les troupes du MLC présentes en République centrafricaine soient dûment familiarisées avec les règles du droit international humanitaire et suffisamment supervisées lors de l'opération 2002-2003, a engagé des enquêtes véritables et complètes sur la commission de crimes et juger et punir comme il se doit tout soldat ou commandant accusé de tels crimes, donner des ordres clairs et plus nombreux aux commandants des troupes présentes en Centrafrique afin d'empêcher la commission de crimes, modifier les modalités de déploiement des troupes, par exemple, pour limiter le contact avec la population civile, retirer, remplacer ou démettre les officiers et les soldats convaincus d'avoir commis ou toléré des crimes en République centrafricaine, partager les informations pertinentes avec les autorités centrafricaines ou avec d'autres et apporter son soutien aux efforts faits par celles-ci pour enquêter sur les crimes allégués ou encore retirer les troupes du MLC de République centrafricaine avant le mois de mars 2003, date à laquelle ce retrait a effectivement eu lieu. La Chambre conclut que les mesures prises par M. Bemba étaient loin de satisfaire aux critères de nécessité et de raisonnabilité afin d'empêcher ou de réprimer la commission de crimes par ses subordonnés, d'autant qu'il était l'autorité compétente pour enquêter sur les crimes et poursuivre les auteurs par l'entremise de son pouvoir disciplinaire. Pour les juges, il n'a pas non plus référé aux autorités compétentes pour enquête et poursuite, pas plus qu'il n'aurait fait d'effort pour coopérer dans le cadre des initiatives internationales entreprises à cet égard. Donc, en guise de conclusion? Eh bien, les juges estiment que M. Bemba ne prit aucune mesure pour remédier aux carences de formation des troupes antérieurement à leur déploiement, ni en réaction aux rapports relatifs aux allégations de crimes. Et il ne prit pas toutes les mesures nécessaires et raisonnables pour empêcher et réprimer l'exécution de crimes, ni pour en référer à d'autres parties. Pour la Chambre, ces constats démontrent que M. Bemba n'a pas exercé le contrôle qui lui a incombé sur les forces déployées en Centrafrique. Or, si ces mesures avaient été prises, elles auraient prévenu la commission de ces crimes, auraient diminué, sinon éliminé, le climat d'assentiment qui a entouré et facilité leur perpétration durant l'opération 2002-2003. Pour la Chambre, l'omission de M. Bemba d'exercer le contrôle qui convenait à l'égard de ses troupes, amenés aux actes constitutifs de crimes de guerre et de crimes contre l'humanité. Comme vous le savez, le jugement a été prononcé dans l'affaire Hissène Abré. Nous permettra-t-il de répondre à la question suivante? Dans le contexte des discussions relatives à un éventuel retrait du statut de Rome des États parties africains, chargé de sa dimension politique, une cour de justice africaine régionale saisie de l'affaire Bemba aurait-elle été en mesure de mener le procès tel qu'il se devait? Est-ce que l'état actuel des systèmes de justice nationaux et régionaux sur le continent permet une séparation des pouvoirs entre l'exécutif et le judiciaire? L'indépendance de toute ingérence politique qui puisse assurer la tenue de procès équitables, la protection des victimes, des témoins, des avocats, des juges, etc., pour garantir l'application de l'état de droit? Eh bien, c'est là tout l'enjeu de la justice, où que l'on soit. C'est sur ces questions que nous concluons cette chronique et nous espérons vous revenir très prochainement sur le jugement du procès Hissène Abré qui a été prononcé à Dakar cette semaine. Alors, bonsoir, merci d'avoir écouté Amandla et à la semaine prochaine.